France Inter, il est 11h. Les informations, Dominique Delaroy. Et on devrait connaître d'ici peu, d'ici quelques minutes, le ou les noms du prix Nobel de la paix décerné à Oslo. Parmi les prétendants, des Syriens risquant leur vie pour en sauver d'autres, les casques blancs d'Alep, les artisans de l'accord sur le nucléaire iranien et un médecin congolais soignant les femmes violées. Mais au total, ce sont 376 personnes et organisations qui sont en lice. Sans doute plusieurs centaines de morts en Haïti lors du passage de l'ouragan Matthew qui a dévasté le sud-ouest du pays. Plus de 29 000 maisons ont été détruites. Quelques 80% des bâtiments de la ville de Jérémie ont été rasés. Les plantations de bananiers et de manguiers de la plaine sont totalement ravagées. Plus de 21 000 personnes ont été évacuées et 350 000 ont besoin d'assistance selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'ouragan qui a faibli s'approche à présent des côtes américaines. Il devrait toucher la Floride la nuit prochaine. Une mère et son enfant sont morts lors d'un accouchement au centre hospitalier de Decazeville dans l'Aveyron. Le drame a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'agence régionale de santé a immédiatement ordonné une inspection. Le rapport devrait être connu dans les prochains jours. D'ici là, les femmes qui devaient accoucher à Decazeville seront réorientées vers les établissements hospitaliers les plus proches. La maternité de Decazeville, une commune de quelques 6 000 habitants à 35 km au nord-ouest de Rodez, avait vu son autorisation d'activité renouvelée pour 5 ans par l'ARS en mai dernier. Et voilà, on connaît le prix Nobel 2016 de la paix. Il a été attribué au président colombien Juan Manuel Santos. Grosse frayeur ce matin dans un lycée du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Une femme couverte d'un foulard a défoncé avec sa voiture la barrière d'entrée de l'établissement avant de se livrer à un rodéo autour des bâtiments. Pas de blessés, la femme a été interpellée. Elle est en fait suivie par l'hôpital psychiatrique de la ville et n'a aucun lien avec la mouvance islamiste, a précisé le préfet du département. Des soupçons de dopage dans le monde du rugby. Des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans les urines de trois joueurs du Racing 92, dont le célèbre ouvreur néo-zélandais Dan Carter, selon le quotidien sportif L'Équipe. C'était lors d'un contrôle surprise le 24 juin, jour de la finale du championnat de France remporté contre Toulon. Le club précise ce matin que les recours aux corticoïdes par Dan Carter, Joe Rococo et Juan Imhoff étaient autorisé et ne nécessitait pas d'autorisation à usage thérapeutique. Tous les actes médicaux l'ont été dans le plus total respect des règles antidopage nationales et internationales, assure le club. Déception au tournoi de Pékin pour Alizé Cornet. La Française a été éliminée en huitième de finale par la Kazakh Yaroslava Shvedova. Déception également, Richard Gasquet, 17e mondial, a été battu lui aussi en huitième de finale par l'Espagnol Pablo Carreño, 5-7, 6-4, 6-1. Je vous rappelle donc que le prix Nobel de la paix a été attribué au président colombien Juan Manuel Santos. Du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Ah voilà. Si tu écoutes, j'annule tout. Avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Bon, Guillaume, oui. Avec Alex, on a pris une grande décision. Ah, vous allez m'augmenter? Non. On voudrait que tu suives un stage de journalisme avec le meilleur d'entre nous. Bernard de la Villardière? Non plus. Tintin. Tintin. Oui. Et au Grand Palais, s'il te plaît, ce vendredi. L'émission sera en public et c'est Zep l'invité. Pour assister à l'émission, rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h15 devant le Grand Palais, 3 rue du Général Eisenhower à Paris. Entrée libre et gratuite. Dans la limite des places disponibles. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. La vie, titre provisoire. Un concert de et avec François Morel, Antoine Salaire, mise en scène par Juliette. Jusqu'au 6 novembre 2016, au Théâtre du Rond-Point. Ce doux baiser que j'ai gardé. François Morel et Antoine Salaire se lancent en chantant dans l'aventure de miniatures humaines avec tambour et trompette. Juliette met en scène ce cabaret tendre, projet humaniste de réconciliation durable avec le fait d'exister. Retrouvez La Vie, titre provisoire, au Théâtre du Rond-Point et dans les émissions de France Inter. Et en rugby, il s'agissait de Rocco Soco et non Rococo, comme je l'ai dit. Voilà, tout de suite la bande originale avec Nagui, bonjour. Merci Dominique Delaroy, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres informations. Avec Leïla Cano-Boudadi, Guy Yacoub, Albert François Morel. Oh, merde, génial. Bonjour François, c'est le vendredi en fait votre journée à Inter. Bah oui. Ah, bravo pour ce matin. Ouais, c'est ça. Marrant, ouais, ça m'a beaucoup plu. Je suis bien marré. Comme tous les vendredis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un vendredi moins bon que, qu'un autre? Oui. C'est vrai? Il y en a, oui, quelques-uns, oui. Mais c'est les retours des auditeurs ou c'est vous qui... C'est moi, de temps en temps, je me dis, oh, j'étais moyen aujourd'hui. Ah oui, donc c'est pas objectif alors. Non. C'est totalement subjectif. Ouais, rien n'est objectif. Oublions. Notre invité est donc François Morel. On va parler musique avec François Morel et spectacle et préface de livre aussi. Il y a une actualité extrêmement chargée. Quelle rentrée pour François. Mais d'abord... J'aimerais savoir si mon père Albert, a bien compris la raison pour laquelle nous avons invité François Morel. Évidemment, déjà parce que vous venez de le dire, c'est un collègue très bien vu de la direction de France Inter, dont je ne suis qu'un modeste serviteur, mais nous le recevons aussi pour son album de chansons intitulé « La vie ». C'est un beau titre, « La vie », fait passer un hebdomadaire, qui par bien des côtés m'a rappelé le carnet aux figures « Les chants de marche », les chansons de veillée pieuse et guillerette que j'entends avec mes louveteaux et mes scouts lors des feux de camp, des sorties jeux de piste dans les contre-allées du bois de Boulogne. « Le février, la forêt palpite, notre chef est parmi nous. » C'est un chant de veillée. D'éveiller quand je suis au coin du feu. Oui, oui, alors oui, avec cet album, François Morel montre d'autres facettes de ses multiples talents. Oui, la bûche, j'ai entendu. En l'occurrence, des prédispositions poétiques d'eau sa mère, comme ils disent dans votre Bible, Nagui. Oui. Je parle bien sûr de Télérama. Et François fait preuve aussi d'indéniables qualités de chanteur entre Sœur Sourire, Marcel Amand et Henri Dess. J'avoue donc avoir été heurté parce que vous m'avez glissé à l'oreille, Nagui, tout à l'heure, alors que nous étions serrés l'un contre l'autre dans l'ascenseur. Enfin bref, je vous cite. Oui. Putain, il va falloir que vous m'aidiez, Père Albert, parce que l'album de François Morel, au bout de la troisième chanson intitulée « C'est encore long l'enfance », c'était tellement long que je me suis endormi. Du coup, j'ai pas écouté le reste. Et vous avez continué en me disant « Mais quand je vais être obligé de jouer les faux culs en disant que je trouve son album génial, j'ai très peur que Morel me demande de l'inviter à Taratata. » Comme c'est totalement hors de question. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il a quand même de très bons musicos, dont plein de super gonzesses. Comme c'est hors de question... Il y en a deux très jolis. Oui, il y en a très trois, même quatre. Hein. Non. Va falloir que je trouve une excuse. Alors, aidez-moi. Deux, trois, quatre, on s'en fout. C'est gagnant. Sors de ce corps. Venez, Maréchal, je vous raccompagne. On va boire un verre. Donc, vous aidez, Nagui? Non, il est dans un état. Allez-y, mon frère. Moi, je vous écoute, allez-y. Vous savez, la réincarnation, ça existe. Vous aidez, Nagui, je ne demande que ça. D'ailleurs, en écoutant attentivement cet album, j'avoue avoir été heurté par certaines obsessions de François Morel, dont celle du baiser. Dans ce disque, ça n'arrête pas de baiser. La deuxième chanson s'intitule « Se baiser ». Dans la troisième, celle qui a endormi Nagui, tu dis, François, « J'embrasserai sur la bouche quelques filles au grand cœur ». Ça me dégoûte. Dans la troisième, au cinéma, tu t'interroges. Je te cite, au cinéma, comment qu'ils font pour des baisers sinon? C'est vraiment une obsession. Sans respirer, oui. Alors, je ne parle pas de la chanson Striptease, particulièrement décadente, et qui montre que tu es beaucoup plus tordu, pour ne pas dire beaucoup plus pervers que tu en as l'air, François. Une chanson dans laquelle tu imagines les feuillages d'une créature qui pousse le vice pour t'exciter jusqu'à se défaire de son dentier, de son nez de verre et de sa jambe de bois. Je passe sur celle où tu dis... Dessine-moi une bite, le pape ou l'Élysée. Alors, sachant que je dessine très mal les célébrités et les édifices publics, et il me reste que... D'accord. Bon. Mais c'est surtout... D'accord. Non, un petit peu de sérieux. C'est surtout ta chanson, François. Petit Jésus, tu m'as déçu. Ah, celle-là, je l'adore. Profondément attristé. Ah non, ça ne m'étonne pas de vous. Je l'adore, celle-là. François, puisque dans celle-ci, j'ai découvert que le dos de ta bite... Oh, écoutez... Talent dans les sports aquatiques, tes aptitudes d'orateur, tes facultés de guérisseur. Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback, petit Jésus. M'a déçu. Et voilà, j'ai donc découvert que le dos de ta bite, au point de nier les miracles du Christ, la multiplication des petits pains, le barefoot sur le lac de Tibériade, la virginité de Marie et de Joseph aussi. Mais si tu doutes, néanmoins, c'est la preuve que tu es en recherche, François. Et comme tous les jeunes en recherche, viens t'agenouiller dans ma camionnette. Je vous ai déjà parlé de ma camionnette. Oui, malheureusement, oui. Bâché cuir clouté, noir, immatriculé, Jérôme. Merci. Garderie pour enfants migrants, discothèque, musée mobile et Milou, et sac de choses. Alors, je t'y attends, François, mais pour l'instant, pour ta grande pénitence, soit tu acceptes d'être interviewé par Nagui, soit on te passe l'intégrale de Vianney. Voilà, à toi de choisir. Bonne émission. Merci, Père Abel. Sur France Inter. Ce disque, donc, La vie, entre parenthèses, titre provisoire. Heureusement, dans le livret, dans votre disque, l'édition limitée, il y a marqué titre définitif quand même, des fois que les gens n'aient pas compris votre sens de l'humour. Vous êtes en ce moment au Théâtre du Rond-Point, François Morel, avec un spectacle qui mélange justement la chanson réaliste que vous avez toujours aimée avec le sens de l'humour qu'on vous connaît, et vous jonglez entre les deux. Il fallait trouver l'équilibre. C'est toujours ça, un concert, j'ai l'impression, non? C'est pouvoir jouer, enfin bon, je sais pas, mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai envie de les faire, c'est-à-dire pouvoir alterner plein de trucs différents, c'est l'intérêt, c'est presque 18 petites pièces de théâtre les unes derrière les autres. Mais c'est pour, honnêtement, c'est pourquoi? Pour pas se prendre au jeu, ni dire je me prends pas au sérieux, je fais pas un tour de chant, je suis le François Morel quand même que vous aimez et que vous connaissez? Ouais, je me pose pas la question comme ça, c'est-à-dire je fais ce que j'aime, donc de temps en temps j'aime je crois la mélancolie et j'aime bien rigoler, et on est tous un peu comme ça, non? pas avec votre plume en tout cas, mais dans vos chansons il y a un côté presque par moment je vais dire Brel, Brassens, Lama, Philippe Clay, enfin on peut très bien se trouver dans cet univers là et je parle aussi bien des textes que des que par moment des arrangements, et puis il y a des véritables sketchs, notamment quand vous cherchez à imiter, je rêve que Daniel Morin vienne vous applaudir, ouais. Parce qu'il adore vos talents d'imitateur, notamment Charles Aznavour ou Yves Montand. Faites l'ouverture avec Yves Montand. Alors, autant vous dire qu'ici, autour de la table, on a un spécialiste d'Yves Montand. Oui. C'est Nagui. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais par rapport à François Morel, non. Si. Non, c'est ouais. Il le fait hyper bien. À bicyclé, ah, oui. Il ne peut pas s'en empêcher. À chaque fois, il le fait. C'est l'ambiance de scène, ça, non? Il a toutes les qualités. Tous les talents, tous les dons, non? Il a tous les talents, ce gars. Mais vous allez voir, là, sur une heure et demie, vous allez être subjugué. Sans reposer la voix. Nous, on aime beaucoup le fait aussi. Ben, comme vous. Ouf. Ouais. Et puis je fais crac crac. L'album s'appelle La vie. Et puis le silence, quand ça disparaît comme par magie. On ne sait jamais pourquoi ça commence. On ne sait pas plus pourquoi ça finit. Au début du film, on est dans la brume. On met le nez dehors. On attrape un rhume. On sait rien du tout, même pas son nom. Ça finit un peu en queue de poisson. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie. Alors cette vie qui vous démange, parce que c'est vrai que, comme l'a dit très délicatement le père Albert tout à l'heure, oui. Il y a différentes phases dans la vie qui vous intéressent. L'amour est présent, évidemment. Et puis il y a aussi des chansons tristes, des chansons poignantes. Sinistres même. Des chansons pénibles. Non, j'irais pas sinistre, mais... Bon, mais tout à l'heure, vous avez dit lugubre. Mais non, c'est celui qui, moi, ça m'a pris... Ah ouais. J'ai pris une claque, c'est-à-dire que je m'attendais pas... à ce que vous alliez sur ce terrain-là, parce que ouais, ça fait mal même à entendre, ça fait de la peine. Le virage est compliqué après, j'avoue. Hier soir, il était particulièrement compliqué à prendre. C'est-à-dire, après, moi, j'aime bien. Enfin, après ce moment-là qui est un peu douloureux, j'ai envie de reprendre le spectacle. Vous plutôt nous expliquez dans l'humour. De quoi il est question dans cette chanson pour nos auditeurs. On l'écoute un tout petit peu. Ouais. Oui, d'accord. Celui qui perd ses affaires, c'est un tête en l'air. Celui qui perd ses souliers, c'est un va-nu-pied. Celui qui perd ses amis, c'est un étourdi. Celui lui qui perd son sang-froid. Quelquefois c'est moi, mais celui qui perd un enfant, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et c'est vrai que dans la langue française, il n'y a pas de mots. Ouais, on dit orphelin quand on perd ses parents, mais il n'y a pas de mots quand... Ouais. C'est souvent des conversations qu'on a avec Daniel Pénac, un copain, et qui est très obsédé par des mots qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres. Et en français, en tout cas, il n'y a pas un mot pour dire ça. Et effectivement, il n'y a pas de mots. Voilà, et voilà. Ça a bien plombé. Non, mais c'est vrai, on peut pas sortir. Petite imitation, Nagui. Pour relancer. Crac, crac, crac. On peut pas sortir indemne en écoutant une chanson comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Ça renvoie. Ça en renvoie même temps, plein... ça, je trouve que des fois, le musical aussi, ça sert à partager les émotions et parfois à les mettre à distance et à pouvoir aussi s'en sortir. Il y a une dame que j'ai vue à Vesoul et qui m'a dit j'ai perdu un enfant il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à pleurer. J'ai pleuré ce soir. Et je me suis dit, elle a servi à ça, cette chanson. Même le fait d'habiter à Vesoul, elle n'arrive pas à chialer. Mais quelle enfoirée. En tout cas, c'est ce que vous réussissez à faire sur scène, François Morel. C'est passé par ces moments plus touchants, plus émouvants, et rebondir derrière. Moi aussi, je me suis demandé à l'issue de cette chanson, comment faire derrière pour repartir. Et puis, il y a cette fantaisie-là qui vous tient depuis toujours, qui est assez géniale à voir sur scène, qui est jouissive. Et puis, on a parlé des musiciens qui sont là, vous avez une complicité extraordinaire avec Antoine Salaire qui est un peu l'homme orchestre qui fait à la fois clavier, trompette, et il y a des parties en effet qui fait voix off ou intermittent du spectacle et qui veut se mêler du, c'est ça, du spectacle, du cachet ou du grand livre du spectacle qui guide vos pas sur scène, et vous avez travaillé avec Juliette. Oui, c'est elle qui a fait la mise en scène. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Juliette? Parce que vous-même déjà vous êtes un metteur en scène et moi, vous avez une vision. D'abord parce que c'est rigolo de travailler avec Juliette. On travaille bien ensemble. C'est pas la première fois. C'est la deuxième, ouais. Et justement, ça s'était bien passé la première fois. On avait envie de remettre le couvert. Et puis parce que moi, je sais pas forcément comment construire un spectacle de chansons, par laquelle commencer, comment évoluer, tout ça. Parce que Juliette, elle a plein d'idées comme ça, de mise en scène. Et puis quand l'idée semble bonne, mais finalement apparaît très mauvaise, on l'abandonne aussitôt, on en cherche une autre. Moi, j'avais, par exemple, il y avait un truc que je voulais, c'est que je voulais un tulle. Parce que pour moi, à chaque fois qu'on voit des documentaires en noir et blanc sur les chanteurs d'hier, Jean-Yves Montand, Reggiani et tout ça, il y a un tulle et toujours les musiciens était séparé du chanteur. Pour elle, c'était l'horreur absolue, parce que son père était musicien dans les orchestres, il était clarinettiste, et c'était le comble du ringard, quoi. C'est dit, depuis, il y a eu les Beatles et les Rolling Stones, et les chanteurs jouent avec les musiciens. Mais moi, il y avait cette image-là que je voulais, et qu'on a essayé de détourner, et c'est une sorte aussi de d'hommage un peu moqueur au musical d'hier, quoi. Est-ce que vous êtes posé la question de l'équilibre entre les chansons qui font justement sourire, celles qui font pleurer, celles qui font réfléchir? Les forcément. Militantes. Oui, non, mais alors comment construire un tour de chant comme ça? Avec une reprise, si j'ai bonne mémoire. Il y a au suivant. Oh, ouais, il y a au suivant. Non, et puis il y a des fois la folle complainte à la fin. Ça dépend du public. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, la seule vraiment reprise pendant le spectacle, c'est au suivant de Brel. Curieux, ouais. Elle me dit, tiens, ça serait bien que tu reprennes ça. Je dis, oui, pourquoi, si tu veux. C'est quand même marrant, parce que le genre de chanson qu'on connaît depuis toujours, c'est-à-dire j'ai dû l'apprendre en 3 minutes 30, en fait. Est-ce que vous avez cherché, à ce que la vie soit résumée en 1h30, 1h40, c'est-à-dire de la naissance, avec C'est encore long, puisque Il se trouve un peu, tous les âges de la vie sont évoqués, mais je ne l'ai pas pensé comme ça. C'est plutôt à la fin, quand on a fait le travail de chanson. Finalement, ça fait 3-4 ans qu'on travaille même plus avec Antoine. Donc, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur un spectacle de théâtre. Donc, dans l'après-midi, parfois, on a du temps pour se voir, pour essayer d'essayer des chansons et tout ça. Puis, on travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire que je lui donne pas un texte et puis il met une musique dessus. Il y a beaucoup d'aller-retour entre lui et moi quand on est en train de faire une chanson. On avait un certain nombre de chansons. On s'est dit dans quel ordre on les met. Celle-là, peut-être qu'elle est moins bonne, on l'abandonne, etc. Enfin, on est parti de ce qu'on avait comme matière. Ça s'appelle La Vie, donc titre provisoire, parce que la vie, ça s'appelle pas La Vie comme le comme le magazine. Titre provisoire parce que La Vie est provisoire. C'est ça. Voilà, tout simplement. François Morel, il est en spectacle au théâtre du Rond-Point en ce moment. Il est notre invité dans la bande originale. Et Leïla, quand on vous a dit que le camarade François était notre invité, vos oreilles ont sifflé. Déjà, j'étais très contente et immédiatement, François, quand je pense à vous, je pense à une râleuse magnifique, une ralouteuse, comme je dis, Anna Karina, dans Pierrot le Fou de Godard, extrait qui revenait dans l'un de vos derniers spectacles, La fin du monde est pour dimanche. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le summum de l'ennui, et c'est assez magique. Et quand je pense à vous, François, je pense à votre langue, à votre élégance et à ce... J'ai eu peur, oui. Vous êtes filmé, François, je vous rappelle. Et je pense à ceux qui vous considèrent comme trop doux, trop timorés dans vos chroniques. Et j'ai envie de leur donner... Ils n'ont pas tout écouté, oui. J'ai envie de leur donner à entendre ça. C'était en juin 2011, par exemple. Bonjour François Morel. Ferme ta gueule. Ah. Luc Ferry, ferme ta gueule. Excusez-moi d'être un peu direct ce matin. D'habitude, j'essaie de soigner mon style. Je fais des phrases. À l'écoute de France Inter, on a tout un tas de professeurs en retraite, d'anciennes institutrices, d'inspecteurs pointilleux, qui sont sensibles au beau langage. Alors souvent, je fais des efforts, même quand je suis en colère. Je ne pratique pas la mandale, l'uppercute, le bourre-pif. Non, je soigne, je distille, j'emballe, j'enrobe. Je fais des circonlocutions. Mais ce matin, excusez-moi, je ne trouve rien de mieux à dire que ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule. Arrête de te regarder dans le miroir de ta vanité. Arrête de t'enivrer au son de ta propre voix. Arrête. Tu te contemples, tu te jauges, tu t'admires. Et devant ton portrait, tu es excité comme un directeur du FMI devant une femme de chambre guinéenne. Ferme ta gueule, Luc Ferry, s'il te plaît, ferme ta gueule. Les classes surchargées, le manque d'effectifs, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, philosophe de mes deux. C'est là qu'on voit tout le sens des professionnels de Leïla, qui a réécouté toutes les chroniques de François Morel. Absolument, et celle-ci m'a beaucoup plu. Ouais, ouais. Et après Luc Ferry, donc, qui en prend, vous l'avez entendu, pour son grade, il va y avoir Nadine Morano aussi qui va passer à la broyeuse François Morel. C'est très bien senti aussi, ferme ta gueule Nadine Morano, ferme ta gueule Nadine Morano, qui trouve qu'Eva Jolie... C'était le jour où Ferry était invité d'ailleurs. C'était un rappel. Et qui trouve qu'Eva Jolie a un problème d'accent et de physique, Nadine Morano ayant essentiellement un problème de cerveau. Yannora Béra, bon, en tout cas voilà, c'était pour rappel. C'était pour dire que... La piqûre de rappel. Voilà, que François Morel... Vous avez eu des problèmes de... Oui, ils vous ont contacté. Ouais. Non. Non. Non. Mais ils te contactent, toi, quand tu dis des méchancetés. Oh, je suis pas méchant, moi. Non. Ah, ouais. Non. Ils écoutent pas. Non, c'est ça aussi. Non, je peux... Là, c'est totalement dirigé sur une seule et unique personne. J'ai envie de dire, Morin tape un peu dans tous les sens, mais là... Ah là, c'était une fois, comme ça, mais en même temps, la fois d'après, j'ai plus jamais reparlé de Luc Ferry. Quoi, donc, Et Luc Ferry, il passe souvent dans les couloirs de Radio France. Bonjour, comment allez-vous? Si, je l'ai croisé un matin, mais justement, je m'étais attaqué ce jour-là à Nadine Morano. Vache. Mais je sais pas s'il il aurait pu m'en parler, mais je crois que peut-être qu'il n'avait pas entendu. D'accord. Ou peut-être qu'il m'a pas... reconnu. Tapissé. Ouais. Retapissé. Bon, il est peut-être pas non plus rancunier. Moi non plus. Voilà. Et enfin, François, moi, quand je pense à vous, forcément, je pense à l'amour, à une déclaration d'amour inéluctable, et j'ai envie de faire entendre la voix d'une artiste que j'adore. J'aime comme tu m'aimes. Chaque fois qu'il vient, on lui fait le coup. Hein. Ben ouais, et je le ferai à chaque fois. D'accord, ok. À chaque fois qu'on aura Patrice Lecomte, je parlerai du mari de la coiffeuse. À chaque fois que j'aurai François Morel, je parlerai de Lucrèce Sacella. Bah, tu as gagné du temps sur les prépas des émissions. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Surtout... il faut lui parler de tandem aussi, non? Mais je vais parler de tandem aussi. Bon, mais non, surtout le mari de la coiffeuse pour moi. C'est et vraiment puis l'autre le... fait, oh non, vous avez évoqué deux films, mais pas tandem devant lui. Si, j'ai parlé de tandem. Ah oui. Si, oui. On va réécouter l'émission. Et le film au Cambodge. Oui, voilà. Mais c'était surtout ces deux-là que vous mettiez en avant. Ouais, c'est ouais, ça. Moi, il me manque Tandem. Quand même. Ah ouais, mais on l'a un peu évoqué dans la BO. On l'a évoqué surtout la par, rapport à et par rapport à l'émission de radio aussi. Ouais. Mais vous, ça sera à chaque fois Lucrèce, ça c'est là. D'accord. Pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Puis t'as pas le choix. Hein. C'est J'aime quand, comme tu m'aimes, un des titres de son album 22 ans. Et pourquoi je parle de Lucrèce, c'est pas totalement anodin. C'est parce qu'elle a travaillé avec Antoine Salaire, qui est sur scène avec vous. Et il y a toujours cet esprit de famille. Elle est dans les vous. Cœurs aussi, là, d'ailleurs. Elle sur l'album Lucrèce. Oui, oui. D'accord. Vous avez pas l'esprit sur scène, de... pas sur scène. D'accord. L'esprit de bande. Trop cher. L'esprit de bande, l'esprit de famille, en fait. C'est ça, c'est le principe. Vous les emmenez tous non, avec Antoine vous. C'est Antoine qui me l'impose à chaque fois. Oh non, c'est moche. Parce que vous vous retrouvez encore... Fallait parler de tandem. Vous vous retrouvez dans ce projet, La Colonie des Optimistes, avec Antoine oui, Salaire. Écrit par Antoine aussi. Voilà, où il y a Lucrèce, où vous êtes le récitant. Oui. Et ça vient de sortir chez Actes Sud Junior, La Est-ce Colonie des Optimistes. Est-ce que c'est sorti même, vous êtes sûr? Oh, j'ai quelques jours d'avance. Oui, d'ailleurs, je vais en faire un cadeau pour Nagui. Oh, c'est gentil, bah oui. tu voulais... Bah non, parce que oh, pour mes François... enfants voilà, non, pour mes enfants. Génial. Peut-être que celui-là, vous Merci allez comprendre. Il y a Thomas de Pourquerie aussi, Olivier Saladin, il y a toute ah, cette... Olivier Broche. Oui, toute cette joyeuse oui. troupe qui participe à cette colonie des optimistes. C'est un CD, bande dessinée, texte... Absolument. D'accord, bah super. Un très bel Chaque objet pour enfants. Merci beaucoup. Musique, dans la bande originale, voici Al Green avec Let's Stay Together. C'est la version originale, parce qu'on connaît plus la version de Tina Turner. Mais ça, c'est la version de Al Green. Ah, il n'y a rien là. Ça, c'est la classe. Hein. Ah, ouais. Ça, c'est le... Somme de la classe. Si on a le temps, je peux vous raconter les maladies non, que j'ai attrapées. Non. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Cause you make me feel so brand new. Spend my life with you. Let me say things, oh baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Al Green avec Let's Stay Together dans la bande originale. Et voici l'humeur de Guillermo Guiz. Bonjour les amis. Vas-y. Non, mais parce que je sens que vous venez me toucher là. Pas du tout. Exactement. Donc, comme toutes les semaines. C'était une vraie claque sur l'épaule. Comme toutes les semaines, tel un vautour fondant sur une carcasse de bédouin. Et je dis pas ça pour imager Daniel convoitant le siège de Nagui. Tel un vautour, disais-je. Je me suis demandé si mes collègues chroniqueurs m'avaient au moins laissé un bout de prostate, hein, histoire qu'on lole un peu. Eh bien, dans les restes de l'actu, on a notamment le fait que le Parlement européen vient d'approuver cette semaine la ratification par l'Union de l'accord de Paris, ouvrant la voie à sa mise en œuvre au niveau mondial. Et je sais ce que vous dites, Nagui, vous dites j'espère que c'est une passade, j'espère que dans 20 secondes il aura changé de sujet, parce que je connais quelqu'un qui est mort d'ennui. Et l'enquête a démontré que les mots Parlement européen et réchauffement climatique avaient été prononcés au moins 4 fois dans la pièce où il a clamsé. Hein, je peux pas mourir maintenant, la télévision française est pas prête, etc. Voilà. Rassurez-vous, Nagui, à bien des égards, nos positions sur la question se rejoignent, même si, contrairement à vous, on appelait ça manque de confiance en moi si vous voulez, mais moi j'ai encore du mal à me déclarer ouvertement climato-sceptique. Donc, je dois être honnête. Honnêtement, moi je dirais que je suis plutôt climatos secrètement, ça me dérange pas tant que ça. En réalité, c'est moche. Je veux dire, je suis pas activement heureux que les ouragans défoncent les Caraïbes et que les pingouins se baladent en tongs à cuir comme des vieux Allemands. Je suis pas un monstre. Je fais pas la tournée des industries en criant hey, les gars, faites péter le CO2, je vais pouvoir vivre en Marseille toute l'année. Je suis pas un monstre, je vous dis, mais. Juste évoluant dans le confort climatique de l'Europe du Nord, je suis pas non plus activement malheureux que le temps se réchauffe. Déjà parce que j'ai une très mauvaise circulation et que j'ai vite froid aux extrémités. Je crois que comme beaucoup de frileux, je serais vachement plus engagé contre le refroidissement climatique. Ah ouais, là je serais dans la rue tous les 4 jours, j'aurais Laurent Fabius tatoué sur le cul et toute la filmo de Marion Cotillard dans mes étagères. Mais sans effet négatif direct sur ma vie, faudrait que je sois particulièrement sensible au sort de la Terre et particulièrement sensible au sort des générations futures pour m'impliquer davantage. Et c'est là que ça coince. Premièrement, parce qu'il faut arrêter de croire que la Terre nous ménage plus qu'on la souille. Je veux dire, quand la Terre a envie de lâcher un tsunami, une éruption volcanique ou un tremblement d'elle-même, elle se dit rarement oh, je vais le faire dans le désert entre 2h et 3h du matin, histoire que ça embête pas trop les humains. Non, la Terre, elle fait des trucs en tant que Terre, quoi. Si on est sur le passage, tant pis pour nos gueules, quoi. Franchement, la Terre, c'est pas une victime. La Terre, c'est Serena Williams, quoi. Si tu la cognes, elle te plie en quatre derrière, un coup de mandale, quoi. Et voilà, donc, quand on aura définitivement libéré le plancher, ce sera sans une larme de sa part, quelque part, qu'on l'ait transformé en carte postale ou en cendrier, ça change rien, quoi. Le véritable enjeu, les amis, c'est de savoir si on va laisser une terre vivable à nos enfants. Ouais. Ça, c'est l'enjeu. Et c'est là que ça coince encore un peu plus, parce que le futur de nos enfants, c'est vraiment une préoccupation de niche, quoi. Déjà, parce qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas d'enfants. Toi. Ensuite, il y a des gens qui ont des enfants, mais qui les aiment pas. Toi. Il y a des gens qui aiment les enfants, mais qui sont climato-sceptiques, donc ça fait déjà du monde, auquel il faut ajouter tous ceux que l'avenir du genre humain en général laisse complètement indifférent. Notamment tous ces mecs qui se battent au quotidien pour perpétuer le plus possible l'espèce, mais que leurs femmes emmerdent, parce que soi-disant, c'est les queutards et des chiots lapins, et que ça ramène des maladies, hein. À force, les gens se découragent, évidemment. Forcément. Ensuite, on a tous ceux qui souffrent moins dans leur chair pour la crise humanitaire au Nigeria ou pour Alep que pour l'absence de Wi-Fi dans leur hôtel. Ce que je comprends, à 9h, j'avais demandé à la réception si le problème s'est arrangé. On m'a dit oui, les techniciens sont dessus. À 14h, c'était toujours pas réglé. Donc, parfois, tu te demandes vraiment pourquoi tu payes 100 balles pour ta chambre. Enfin, ces gens-là sont déjà insensibles au sort des humains vivants. Alors, les humains à venir, c'est le summum de l'abstraction. Après, il y a tous les revanchards, ceux qui se rappellent qu'on est la génération future des générations précédentes. Et que si les générations précédentes se sont demandé quelle terre elles nous lèguent, c'était vite fait entre deux twists et une émission de Guilux, quoi. Donc les vieux, ils se sont dit non, nous on a le plein emploi et on peut baiser sans capote. Et les gens comprendront qu'on profite à fond du moment présent, quoi. C'est pour ça que personne a envie d'écouter une chronique sur le réchauffement climatique et le Parlement européen. Allez, bonne émission, les amis. Bonne journée. La bande originale. Merci Guillermo Guiz, notre invité François Morel qui a son album qui s'appelle La Vie, titre provisoire, ce spectacle qui est au théâtre du Rond-Point. Il y a une date déjà, c'est le spectacle dure jusqu'en novembre, décembre. Jusqu'au 6 novembre, il me semble, non ? 6 novembre, oui. Parce qu'après vous repartez en tournée avec votre pièce Hyacinthe et Rose, pour laquelle d'ailleurs vous étiez venu parler ici. Absolument. Vous repartez pour toute l'année ? Moi, je sais plus. Vous faites pas attention. Plus. J'alterne un peu entre les deux spectacles. Moi, j'ai jusqu'en mars pour Hyacinthe et Rose. De novembre à mars. Et en mars, je reprends l'autre spectacle de chansons, alors. Ça, je connais pas encore tout votre emploi du temps. J'ai avril, moi. J'ai avril pour vous. Moi, ma question, c'est comment vous organisez votre vie, surtout. C'est-à-dire la radio, c'est-à-dire le soir, les concerts, les tournées en province. C'est pas même. C'est le vendredi matin, la chronique. J'entends bien. 3 minutes 30. Et souvent, oui, mais il faut l'écrire. Il faut se trouver dans un France Bleu quelque c'est part ça, en France. Il y en a partout, donc ça va. Ouais, vous visitez, visitez la France. Des fois, j'en enregistre un d'avance, un temporel. Non, mais vous aimez cette vie de troubadour, d'être sur les routes ça. Oh, bah sinon, je ferai autre chose. Non, mais il y a pas un moment où c'est pesant. Vous dites. Si, ça peut arriver en fin d'année. Des fois, j'ai un petit coup de fatigue, mais en même temps, j'aime bien. Non, j'adore. Je ne fais rien dans ma chaise longue. La vie, c'est rien. Une pop song. Je ne fais rien. Je tourne en rond. La vie, c'est rien qu'une chanson. Voici la bande originale de François Morel. On s'est intéressé à quelques années comme ça, et peut-être même ce que vous écoutiez pendant ces années-là. On va commencer en 1981. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un seul imbécile. Brassens, on a dit en 1981, je saurais dire n'importe quelle année. Ouais, Brassens est toujours présent dans votre BO. Ah oui, tout le temps, oui. En 81, c'est l'année de sa mort. Et je me souviens parfaitement du moment où j'ai appris sa mort. J'étais triste. C'est en fin octobre 81. Et justement, il y avait cette chanson-là qui était passée sur France Inter pile à 18h. La supplique pour être enterré à la plage de Sète. Ouais. En tout cas, vœu réalisé. Veut réaliser. Oui, il est enterré à 7 en tout cas. Peut-être pas sur la plage. Pas sur la plage, non, mais. Au cimetière des pauvres. Pas dans le cimetière marin. Oui. pas dans celui exact. De Paul Valéry. De Paul Valéry, ouais. J'ai rendez-vous avec vous. D'ailleurs, c'est un livre de sur Brassens que vous préfacez. C'est chez Robert Laffont. Des fois que vous ayez encore un peu de temps libre, vous allez pouvoir passer ce livre. Brassens est une évidence pour vous dans ce qui vous guide aussi sur scène, dans votre volonté de à la fois d'avoir des moments d'émotion, d'avoir des fulgurances dans les textes de vos chansons. Je ne sais pas si j'ai des fulgurances. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris à lire et à écrire avec Brassens. C'est un fils de. Ouais. En tout cas, moi, j'adore ça. J'adore sa distance. J'adore son intelligence. J'adore surtout l'humour, parce que qu'est-ce que c'est drôle, Brassens. Qu'est-ce que c'est ? Il y a toujours une distance, une intelligence inouïe, quoi. Oui, et puis il y a aussi une rage et un engagement politique. Oui, aussi, mais toujours dit avec une certaine douceur, ouais. Ouais. En 1981, vous êtes en maîtrise de lettres modernes. Je dois avouer, j'ai dû présenter. De la rue Blanche. Ouais, j'ai fini ma maîtrise avec monsieur Abi Rached. J'ai présenté ça sur un truc, sur le Sturm und Drang. C'était à Caen ? À Caen, ouais. Et puis je passe l'école de la rue Blanche et j'entre à la rue Blanche. Sur le Sturm und Drang ? Ouais. Le romantisme. Le romantisme allemand. Et sur scène, vous jouez du Fedo quand on va pour rentrer à l'école ? Du Ionesco, peut-être du Fedo. Ah, moi j'ai eu du Fedo. Je sais plus. Oh, c'est la même chose. C'est vrai. Je crois que j'ai dit aussi un texte de Marcel Aimé. Ouais. Votre plaisir sur scène est de jouer ou de faire. Oh, et d'abord de faire rire. Parce que quand on voit les grimaces que vous faites, votre force à simplement avec un lever de sourcil à faire éclater une salle entière. On voit aussi dans votre œil qui brille avec ce plaisir de déclencher des rires. Ce ne sont pas des grimaces, c'est des déformations physiques. C'est désagréable avec lui, là. Non, je ne sais pas, moi, je joue, je m'amuse, j'aime bien le contact avec le public, j'aime bien partager des émotions quand je suis sur une scène de théâtre. Mais parfois ça m'échappe de certains. Enfin, je pense pas à mes sourcils quand je fais ça. Quand je pense à. Je sais pas à quoi je pense, mais je pense pas à mes sourcils. Non, mais vous pensez à faire rire les gens. J'aime bien. Ouais. 1989. Hein. Du ciel, à travers les nuages, quel représage. J'ai envie de dire Higelin, bien sûr. Ouais, parce bien sûr. Quel poète, ouais. Ouais, la générosité, le trop, quoi. Les concerts qui durent trop longtemps, mais qui sont formidables. Souvenir au Casino de Paris. Souvenir aussi qu'il était venu nous voir quand on avait joué Les Pieds dans l'eau. Une soirée absolument étonnante avec ce monsieur-là, qui était très. Qui avait fini très tard aussi. J'ai une toute petite brève anecdote sur Higelin. On répétait avec lui, parce qu'il était nommé aux Victoires de la Musique que je produisais à l'époque, et il fait une chanson qui dure à peu près 5-6 minutes. Ouais. Et là, on voit évidemment le problème des Victoires de la Musique qui s'éternit jusqu'à 1h du matin. Et je vais voir Jacques, et je dis Jacques, la chanson de 6 minutes, alors qu'il y a 28 chansons à passer la soirée, ça va être difficile. Il me dit tu veux que je fasse quoi ? Je dis, fais ta chanson, mais pas forcément dans une situation de concert, mais plutôt une émission de télé. Donc voilà, la chanson, je crois que sur le disque durait 3:30, 4 minutes. Fais la chanson. D'accord, pas de problème. Il fait la chanson en répétition, 4 minutes, tout va bien. Puis arrive la soirée des Victoires, il nous a fait 11 minutes. Et là, tu dis, waouh. Alors je ne sais pas si c'était parce que je lui avais dit, essaye de faire plus court, parce qu'il y a de ça aussi. Mais c'est un génie qui. Et en même temps, chaque chanson est un spectacle à elle seule. C'est ça qui est fort. Vous l'avez souvent rencontré ? Je l'ai rencontré la dernière fois, je crois que c'est quand il est venu à France Inter un matin, il était convoqué pour 9h20. Convoqué. Il est arrivé à 9h45. Ah, dans mon bureau. Ouais. Convoqué par Patrick Cohen, qui était un peu sur les dents parce qu'il est arrivé avec 25 minutes de retard. Oui, mais il est reparti à 18h. Il m'a vu, il dit salut, t'es là. Et j'avais fait une chronique sur Jackie Gelin. Et il l'avait cité assez régulièrement après dans les concerts suivants. Parce que les gens qui n'avaient pas écouté France Inter ce matin-là devaient avoir du mal à comprendre. comprendre ce qu'il racontait. Enfin. Mais ce qui est le comble de la reconnaissance pour vous, ah, j'imagine. Pas le comble, il y a eu d'autres reconnaissances. Pardon. À cette époque, 89, vous êtes dans Lapin Chasseur, avec évidemment le couple Deschamps-Macaïef, et puis toute cette bande de Philippe Duquesne, Olivier Saladin, Maurice Lamy et Yolande Moreau qui étaient dans la même soirée pour vous applaudir au Théâtre du Rond-Point. Ouais. C'est une belle et longue amitié de cette troupe. Tu es invité dimanche soir chez elle, ouais. Ouais, ah donc c'est venir, c'est pour ça. Ouais, non, mais je la vois toujours, Yolande. Ouais. Yolande, Moreau, Olivier Saladin, Olivier Broche, ce sont des gens très proches. Ouais. Ouais, c'est votre famille, pote, maintenant, ouais, c'est absolument. Ça. En 2006, François Morel écoute. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Oublier cette plage et nos baisers. Laurent Voulzy, avec ce dernier baiser, ça peut être surprenant d'avoir. Non, mais moi j'adore. Ah, moi Laurent. J'adore, ouais. Mais ouais. Ça peut être surprenant de l'avoir dans votre BO, en plus avec une reprise. J'adore ce disque-là. Je sais parce que je me faisais engueuler par Olivier Saladin parce que je le mettais un peu trop. Je le mettais en boucle. C'est un disque justement qui était sa bande originale de vacances, en fait. Ouais, il avait repris toutes les chansons qu'il avait envie d'entendre en vacances. Il y a une reprise aussi du vieux piano de la plage, c'était magnifique. Ouais. Ouais, j'adore ça. Ouais. Non, mais puis Souchon, Voulzy, toute cette bande-là, je les aime beaucoup. À ce moment-là, vous créez le spectacle Bien des choses, et là, vous vous entamez un peu, à cette période-là, votre carrière de chanteur. Vous aviez hésité. J'avais peut-être commencé un petit peu avant, non? Parce que j'avais fait collection particulière, mise en scène. Avant 2006 Je sais plus. Oui, ouais, c'était à cette période-là, c'est je crois. Période, ouais. Avec mais c'est vrai que souvent, je fais Rive. Plusieurs spectacles en même non, temps, non, donc je m'y perds. Moi, collection particulière, c'est en 2006 pour moi. C'est pour ça que pour moi, c'était le début de votre carrière de chanteur. Et ça, c'est peut-être 2009 en revanche, non? Non, je sais plus, on s'en fout en même temps. Vous aviez joué le spectacle Bien des choses, oui, vous avez raison. Ouais. Oui, absolument. Bon, mais on s'en tamponne, en fait. Au-delà des dates, oui, au-delà des dates. Démarrer une carrière de chanteur, vous posez la question à ce moment-là, vous dites je suis comédien, je suis auteur. Moi, je m'amusais à écrire des chansons. Est-ce que je vais être encore le comédien qui chante? Ouais. Je savais pas très bien ce que je voulais faire. En tout cas, j'adore la chanson, j'avais envie d'en écrire et j'avais fait une rencontre avec Reinhard Wagner, qui est un musicien plutôt de cinéma. Et puis Jean-Michel Ribes a su qu'on écrivait des chansons ensemble et il m'a proposé de venir les chanter au Théâtre du Rond-Point dans la petite salle Tardieu. Et je lui ai dit oui, d'accord, si tu me mets en scène. Comme ça, je m'étais dit, si vraiment le chanteur est trop épouvantable, le comédien que je suis va essayer de sauver la soirée. Jean-Michel, en plus, m'avait écrit des sketchs entre les chansons. Donc, Bien. Hein. Ouais. Ah ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'était poilant. C'était rigolo. Et puis en fait, je me suis pris au jeu, j'en ai écrit d'autres, j'ai continué, donc j'ai fait un deuxième spectacle où là j'avais plus envie de me rapprocher de l'idée du concert et de la chanson, et j'avais demandé à Juliette de me mettre en scène, et puis voilà, je peux continuer l'histoire. Et l'histoire arrive avec La Vie, titre provisoire, et le disque et le spectacle en ce moment au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 6 novembre. On a demandé à notre confrère Bertrand Dical, que vous connaissez par cœur, merci Bertrand, de venir à ce micro. Vous signez chez Plon ce dictionnaire amoureux de la... Enfin, dans la série Dictionnaire amoureux, vous avez fait le dictionnaire très amoureux bonne collection. De, ouais, excellente collection. Il y a un Tintin super bien. Et il y a le dictionnaire amoureux de la chanson française. Il est formidable. Qui est mieux placé que Bertrand Dical. Personne pour en parler, c'est La Voix sur France Info. On voulait avec vous évoquer justement ce pont, ce lien qu'il y a entre les comédiens, les chanteurs comédiens, les comédiens chanteurs. En France, ce qui n'est pas le cas du tout dans les pays anglo-saxons, c'est une espèce d'étiquette qui, par moments d'ailleurs, coûte cher à certains comédiens ou comédiennes qui veulent se mettre à la chanson. On n'aime pas que tout le monde fasse tout, et pourtant c'est une tradition. On n'aime pas, mais en même temps c'est plus qu'une tradition. C'est même deux milieux qui s'interpénètrent. C'est vrai que on l'a complètement oublié, mais Jean Gabin a commencé sa vie comme chanteur, Fernandel aussi, Yves Montand aussi. Donc on a des grands acteurs, des grands comédiens, des grands chanteurs qui ont fait les deux. Mais c'est vrai que, et c'est pas parce qu'il est là, parce qu'il m'arrive de le citer aussi comme exemple, mais c'est très rare qu'un comédien réussisse à devenir un vrai chanteur. Un comédien qui enregistre des chansons, il y en a plein. Parfois ça fait des très bons disques, mais parfois ça fait pas des vrais chanteurs. Et un vrai comédien qui a un univers de comédien, qui est reconnu comme un comédien, qui a pas tourné que dans deux films, qui a pas fait que deux petites choses, et qui devient un vrai chanteur, c'est très rare. Reggiani. Reggiani qui devient chanteur à 40 ans. François, vous avez commencé à quel âge? Un peu plus de 30 ans? Ah oui, oui, ouais. Je sais pas, c'était quoi? La trentaine, bien entendu. 2006, j'avais quel âge? 14 ans. 22 ans. Voilà, et c'est vrai que si on se demande pourquoi François réussit, c'est aussi parce que c'est un vrai univers de comédien qui devient un vrai univers de chanteur. Alors moi, c'est pas, je me demande pas pourquoi François a réussi, je me demande pourquoi on a du mal dans le jugement. C'est, qu'est-ce que je cherchais comme exemple? Par exemple, quand Benabar a joué dans Incognito, Benabar a son succès et sa plume aussi et sa verve. Le film était un bon film, a été un succès, mais on disait le chanteur fait du cinéma. Même Johnny, quand il avait commencé sa carrière de comédien et de chanteur, ouais. Alors qu'il avait ça l'a pas empêché d'avoir le prix Jean Gabin, c'est comme, vrai. Comme acteur, c'est vrai. Comme acteur, exact. Mais on voit toujours ce côté. C'est un chanteur qui s'amuse à faire le comédien. Quand Mélanie Laurent fait un album, elle avait quand même reçu des volets de bois vert en disant mais qu'est-ce que c'est que cette, ou même Sandrine Kiberlin, encore une comédienne qui se met à faire un disque, une énième comédienne qui chante. Mais alors que c'était bien. Peut-être parce qu'en l'album France, Sandrine Kiberlin qui était signée Souchon. En France, nous avons Mélanie Laurent, comédiens. On aime bien les accroches malveillantes françaises. On aime bien les accroches malveillantes en France. Ouais, c'est si vrai. On peut taper avant de dire que c'est bien. Mais c'est Daniel Morin qui parle. Mais là, je suis possédé. Je suis possédé par la grosse. Excusez-moi, je vais me reprendre. Je vais l'exorciser. Attendez, ça revient. Ouais, en même temps, je chante de la merde. Alors, à un moment, faut le dire. Ouf. Non, mais ce qu'il y a en France, c'est qu'on a la comédie française. C'est vrai que comédien, c'est un métier extrêmement noble. Aux États-Unis. C'est un entertainer. Et quelqu'un, si vous prenez Sinatra par exemple, on oublie complètement que Sinatra a gagné un Oscar comme acteur. On l'oublie ah ouais, complètement. Moi j'avais zappé total. Oui, pour un, en c'est 1945. Ouais. Ah ouais, et ce qui est très impressionnant, c'est qu'en France, c'est vrai qu'on sépare les choses, mais parce qu'il y a une espèce de noblesse. Il y a la noblesse du comédien et il y a le vague métier de chanteur. Et ce qui fait que dans un sens comme dans l'autre, ça passe mal. Il y a quelque chose qui grippe. Et c'est vrai que des personnages comme Reggiani, mais ça s'est venu à la fin de sa carrière et c'est surtout venu à titre posthume. Reggiani est un des seuls artistes à avoir deux statuts. Une statue de chanteur, une statue de comédien. Et Yves Montand, quand même. Non. Yves Montand aussi. Yves Montand, sauf que Yves Montand, on commence de plus en plus progressivement à oublier le chanteur et à se souvenir du comédien. C'est vrai qu'effectivement, il y a des cas. Il y a des cas comme Patrick Bruel, il y a ce qu'est en train de faire Biolay aujourd'hui et Benabar, ouais, qui sont en train d'avoir deux carrières et de travailler sur deux carrières et de réfléchir en je vais réussir deux carrières. Mais quand vous citiez tout à l'heure Sandrine Kiberlin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui gêne. Les albums étaient superbes, elle travaille avec Souchon, elle est magnifique mais sur scène. Même elle nous dit qu'elle hésite à refaire un album parce que justement, il y avait cet accueil un peu froid de la critique. Ouais, bah elle a pas tort, hein. Mais tant qu'à faire, si on prend la même génération à peu près. Elle est venue chanter dans Tarantata avec blondes, Vincent Delerme et c'était vachement bien le duo Kiberlin-Delerme. Depuis quand c'est un label de qualité, Tarantata? Si on prend deux blondes de la même génération à peu près, du même univers, c'est Bardot, Deneuve. Pourquoi on se souvient des chansons de Bardot et pas des chansons de Deneuve? On se souvient des chansons parce de Bardot. Parce que c'est pas Deneuve qui chantait. Si, c'est dans les parapluies. Non, dans les parapluies. Non, de l'album qu'elle a fait avec Gainsbourg. D'accord, oui, c'est vrai. Voilà. Pas très très bon album, etc., etc. Mais on se souvient de ça parce que Bardot, quand elle chante, c'est toujours Bardot. C'est toujours le personnage qu'on voit à l'écran. Quand Kiberlin chante, elle chante magnifiquement. Donc en fait, le problème, mais c'est pas le même personnage. C'est notre et quand François Morel chante, on retrouve le comédien. On retrouve le personnage du comédien. Ouais. On se dit, il nous dit la même chose. Il aime les gens, il aime les vrais gens, il est dans une émotion, dans une ironie, qui sont la même chose quand il est comédien, quand il est auteur, quand il est interprète de chansons. François Morel, vous avez senti, de la part des journalistes que vous avez rencontrés, ou peut-être même de personnes dans le public, cette question qui revenait en disant alors maintenant vous vous mettez à chanson, vous n'êtes plus comédien, et où est le comédien? On me disait, oui, c'est une récréation, c'est un truc en plus, alors que moi je le fais avec le même sérieux que quand je suis au théâtre. Et puis c'est vrai, enfin, ce que dit Bertrand me semble juste, c'est-à-dire que les gens qui m'aiment bien, par exemple, dans les chroniques du matin, me retrouvent complètement, et c'est pas le contraire, c'est un prolongement. Je crois que quand on commence à écrire des choses, finalement, on tourne toujours autour des mêmes thèmes, donc pour cacher cette imposture qui fait que je suis un auteur très limité, je change de support, parce que de temps en temps, je fais chroniqueur, de temps en temps, j'écris des pièces ou des trucs, des spectacles à plusieurs, là, je fais un spectacle de chansons, mais finalement, c'est toujours un peu les mêes choses que je raconte. Bertrand Dical, il a aucun talent, ce mec. Bertrand Dical, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui était le premier ou la première à faire les deux à la fois? Est-ce qu'il y a une référence? C'est Piaf, il faut remonter... Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand arrive le parlant, et ça, les Américains l'ont fait, quel est le premier film parlant, le héros du premier film parlant de l'histoire? C'est Al Jolson. Ça s'appelle Le Chanteur de Jazz. Et il parle pas. Dans le film, il ne parle pas. Il dit quelques mots, il chante. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue enregistré. Et en fait, le cinéma parlant, ça a été la même chose en France, en Allemagne, etc. Dès que le parlant arrive, on prend les chanteurs, on les amène tout de suite devant la caméra parce que eux, ils chantent. Et que ça va faire des films, et puis le pli est pris, et puis il y a effectivement Maurice Chevalier, et puis il y a des personnages des années 30, Georges, par exemple. Extraordinaire. Voilà. L'homme aux mille chansons, et puis toutes ces comédies musicales de l'époque, toutes ces opérettes de l'époque qui deviennent des films chantants. Alors on oublie les effroyables qualités de comédien de Henri Gara, qui était le chanteur de charme à l'époque, qui a été jeune premier jusqu'à, je sais pas, 55 ans, qui a été jeune séducteur, qui joue le puceau jusqu'à 55 ans. Bon, il chantait magnifiquement, mais quel mauvais acteur! Et c'est vrai qu'après-guerre, on a commencé à préférer des bons acteurs, donc, et puis il y a... Et c'est vrai que pour boucler... Tino Rossi. La boucle. Tino Rossi, oh mon Dieu. Aujourd'hui, il y a Joey Starr. Magnifique comédien, mais on retrouve effectivement ce qu'il est sur scène, ce qu'il est sur des, ce qu'il est dans le rap, et on le retrouve effectivement en comédien. Ça, c'est sûr, parce que c'est le même personnage, c'est la même personne. De l'extérieur, on a quand même le sentiment par moment que des comédiens, et je vise personne en particulier, quand ils sont en manque de rôle au théâtre, au cinéma, se disent bah tiens. Je sais pas trop quoi faire, donc je vais faire un album. Bah alors, ils le font parfois. Bonne raison aussi, hein, parce que Reggiani, c'est un peu à cause de ça qu'il a commencé la chanson. On disait qu'il portait la poisse aux films dans lesquels il jouait, c'était terrible. Et il est devenu chanteur un peu à cause de ça. Il a commencé à enregistrer les textes de Boris Vian, et puis on lui a écrit des textes. Vous avez une méfiance ou pas, Bertrand, quand vous recevez un disque, que vous devez faire un papier sur France Info, sur un chanteur, en vous disant... Pas a priori. C'est un comédien, encore un comédien qui chante. Pas a priori. Ce qu'il y a, c'est que quand on dit encore un comédien, c'est qu'on sait exactement pourquoi il va se faire tirer dessus. On sait exactement là où la critique va enfoncer le coin. Le cas avec Charles Berling, par exemple. Charles Berling, il a un univers personnel, il a un univers de chanteur dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il chante. Gérard Darmon aussi qui a fait... Dans un autre genre. Élysée Moon ou pas? Voilà, c'est bien, Élysée Moon. Vachement bien. C'est joli, cette chanson, Élysée Moon. Ouais, non, moi je... Oui, non, moi j'aime bien. C'est peut-être la seule chose que j'aime vraiment chez Élysée Moon, c'est sa chanson. Elles sont jolies à lire. Non, mais en fait, je l'avais dit, ça n'avait pas fait de nous des amis, mais c'est vrai que quand un comédien se met à chanter, le problème, c'est qu'on n'a pas peur de ses chansons, on a peur de ce qui va lui arriver. On sait exactement pourquoi il va se faire tirer peut-être dessus. Ce qui manque, et ce qui n'est pas le cas de François Morel, c'est les comédiens qui chantent en écrivant eux-mêmes soit la musique, soit le texte, ce qui est le cas des Biolay, des Benabar ou des Bruel, c'est-à-dire que l'on retrouve la sincérité dans les chansons. Mais souvent, un comédien, c'est un sac vide. C'est-à-dire, on lui donne un rôle, il devient le rôle, il devient le personnage. Ils vont bien prendre ça. C'est pas moi qui le disais, c'était Louis Jouvet qui disait qu'un comédien est un sac vide. Il faut le combler, il faut le remplir, et qu'à partir de là, il devient une forme. Et c'est vrai que quand un comédien, il fait aussi ce qu'on lui demande. Et quand il arrive avec son propre univers, quand il écrit, et c'est vrai que Sandrine Kiberlin, elle est venue à la chanson, par exemple, parce qu'elle écrivait sur les tournages, elle écrivait des petits poèmes, elle écrivait des chansons, elle écrivait des choses, et c'est devenu des chansons. Elle a un vrai univers d'auteur. Mais le problème, c'est que son univers d'auteur était tellement disjoint par rapport à ce que envoyaient des films et des rôles complètement différents les uns des autres. C'est encore Deneuve. Il n'y a pas un type de rôle pour Deneuve. En revanche, il y a un type de rôle pour Bardot. Et dans ce type de rôle pour Bardot, on retrouve les chansons de Bardot. Dans le type de rôle de Deneuve, on ne retrouve pas les chansons de Deneuve. Puis, donc on a complètement oublié que Deneuve a chanté. Il y a des albums comme Adjani qui avait fait aussi un album avec Gainsbourg. Puis un album qui... l'album secret qui a été fait avec Pascal Obispo et qui n'est jamais sorti et dont on n'a pas entendu le moindre extrait pour l'instant. C'est un grand mystère. Ça viendra un jour. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est aussi la voix. François sur scène, c'est un comédien, mais c'est aussi un excellent chanteur. Et je crois qu'il y a aussi ça. Oui, mais ses chansons vont bien, c'est vrai, avec son univers, aussi que ce soit avec Hyacinthe ou sans allumement. Si les textes étaient juste intéressants, je pourrais me dire, voilà, c'est un tour de chant, mais bon, pourquoi est-ce qu'il chante? Non, là, il y a vraiment la performance d'un vrai chanteur. Je vous remercie, on a le même professeur de chant, Bertrand et moi. Ah, c'est vrai? Et on a le même gourou, oui, qui nous a... Vous chantez, Bertrand? Vous chantez, Bertrand? Non, je ne chante pas, non, j'ai eu des gros problèmes chantez, de voix. Vous chantez, Bertrand? Non. Bertrand, chantez-nous une chanson. Une chanson. Bertrand Dicalcy, le dictionnaire amoureux de la chanson française, la bible de cette chanson française, c'est chez Plon, et vous le retrouvez régulièrement sur France Info avec les chansons qui font l'actu. Merci d'avoir apporté votre éclairage et votre passion. Daniel Morin, le propre d'un artiste, c'est justement de s'intéresser à tous les arts. Alors pourquoi empêcher quelqu'un de devenir un artiste complet? C'est formidable. Ouh la vache, quelle question, quelle fulgurance, quel talent. Une fois de plus, monsieur Guy, vous posez une question sensible, une question philosophique, une question idéologique, bref, une question d'intermittent du spectacle à l'hygiène douteuse. Et ça, ça ne m'étonne pas de vous. Ce qui m'étonne encore moins, c'est que... Ce n'est pas la bonne question, non. La bonne question, la question de droite, est vouloir s'intéresser à tous les arts, n'est-ce pas surtout la preuve qu'on en est incapable d'en maîtriser vraiment un? Je vous le redis, monsieur Guy. Salut la compagnie. Ah, bonjour François, vous voulez intervenir peut-être? Oh que oui, je suis 100% d'accord avec vous. Quand on s'intéresse à trop de choses, on finit par faire de la merde. Vous dites ça pour notre invité? Mais bien sûr que non! Ferme ta gueule, Daniel Morin! François Morel! François, il a une qualité qui le place au-dessus des autres. Il est brillant. Non, faut pas exagérer non plus. Il est beau. Disons qu'il a sa beauté. Allez, enfin, c'est quoi qui le place au-dessus des autres, alors? Il s'appelle François! Ah, c'est une bonne raison. Et pour en revenir à notre propos, pourquoi êtes-vous d'accord avec moi sur le fait qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois? Expérience personnelle. C'était il y a 2 ans. Je faisais un carton avec mes imitations de Clo-Clo. Du coup, je me suis emballé. J'ai décidé d'étoffer mon répertoire en imitant d'autres chanteurs morts. J'ai commencé avec Charles Aznavour. Le grand Charles, paix à son âme d'harmonium malheureux. Et alors? Et alors, la bohème version disco, ça n'a pas marché. Les gens me jetaient des pizzas à la gueule. Du coup, j'ai repris mon vrai nom. Mon vrai, pardon, mon unique talent, celui de faire clo-clo. Ça s'en va, ça revient. C'est bon, merci. Merci François, merci. De rien, mon lapin. Vous voyez, monsieur Guy, la démonstration... lumineuse. Il ne faut pas se disperser. Une fois encore, vous avez dit n'importe quoi. Merci Albert, merci Daniel Morin. Albert Algo et Daniel Morin, comme d'ailleurs Leïla Guillermo Guiz, reste avec notre invité François Morel jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Et on vous retrouve, Nagui, avec toute votre bande originale tout de suite après le journal de Dominique Delaroy. François Morel est l'invité de cette bande originale à l'occasion de la publication de son nouvel album « La vie, titre provisoire ». Un album disponible dans les bacs depuis le 30 septembre dernier. Il sera aussi, François Morel, l'invité de Laurence Garcia le samedi 15 octobre prochain. Dès 23h15, Dans tes rêves croisera les imaginaires de François Morel et de la chanteuse Juliette. Voilà, si vous voulez podcaster, réécouter ou même avoir plus d'informations sur les émissions de France Inter, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site franceinter.fr, vous cliquez sur programme et vous choisissez votre émission. Dans quelques instants donc, le retour, la deuxième partie de la bande originale. Ne ratez pas l'humeur originale de Daniel Morin avec aujourd'hui l'analyse géopolitique du maréchal Ganache. Au clair de la lune, petit frère blanc. La marche de l'histoire. Viens sois missionnaire, nous t'en supplions. Jean Lebrun. Avant l'humanitaire, le missionnaire. Je serai, j'espère, qu'y a-t-il de mieux ? Un révérend père, pour l'amour de Dieu. Partir, c'est le thème des rendez-vous de Blois. La marche de l'histoire est en public et en direct à l'auditorium Abbé Grégoire à Blois sur le thème « Les missionnaires en partance ». À partir de 13h30. Tous les samedis sur France Inter, à 13h20. Secret d'info, le magazine de l'investigation. Jacques Monin. Ce samedi, enquête sur les nouveaux profils des services de renseignement. Ils recherchent des universitaires pour être plus performants, mais la méfiance entre les deux mondes remonte à bien longtemps. C'était l'époque, si vous voulez, on était à mi-chemin entre les barbouzes et les tontons flingueurs, quoi. Donc à ce moment-là, on était vraiment des incapables. Enfin, en gros, c'était ça, quoi. Secret d'info. Les nouvelles grosses têtes des services de renseignement, c'est ce samedi à 13h20 sur France Inter. La Belle Rouge. Il faut que je vous dise, je suis Label Rougien. Tout va bien, c'est juste que j'adore les viandes Label Rouge. Être Label Rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité, et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez Label Rougien. Avec le concours de l'Union Européenne. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux, les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller Rénovation Info Service près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. There's a new world coming. Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. Miss Peregrine et les enfants particuliers, le nouveau film de Tim Burton avec Eva Green. It's time for you to learn what you can do. I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Un monde mystérieux où des enfants particuliers peuvent vivre pleinement leurs différences. Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. Retrouvez Miss Peregrine dans les émissions de France Inter. Miss Peregrine, une fable onirique de Tim Burton, actuellement au cinéma. Un film France Inter. À suivre, Nagui et la bande originale. Vous écoutez France Inter, il est midi. Le point sur l'actualité, Dominique Delarroix. Le prix Nobel de la paix attribué au président colombien Juan Manuel Santos pour l'accord de paix avec la guérilla marxiste des FARC, accord rejeté par la population colombienne. Alors Grégory Tervel, ce prix Nobel de la paix devrait donner un coup de pouce à la finalisation de cet accord. Le président colombien Juan Manuel Santos est récompensé seul, sans le chef de la guérilla des FARC qui était également pressenti. La présidente du comité Nobel norvégien, Cassie Kullmann-Five, a expliqué que Juan Manuel Santos est récompensé en tant que personne, car c'est lui qui est à l'initiative des pourparlers de paix avec les FARC et qui est allé jusqu'à demander l'opinion de son peuple par référendum sur l'accord négocié. Mais il est aussi récompensé en tant que représentant du peuple colombien et notamment des victimes qui ont tant souffert de cette guerre civile longue de plus de 50 ans et qui est le dernier conflit armé encore ouvert sur le continent américain, avec un bilan terrible de plus de 220 000 morts et 6 millions de déplacés. La présidente du comité a tenu à expliquer pourquoi le rejet de l'accord par référendum dimanche dernier n'empêchait pas ce prix. Il faut voir là un encouragement à ce que les discussions continuent jusqu'à l'obtention d'une paix définitive et aussi une volonté du comité norvégien de peser sur le cours des événements en aidant le président colombien dans son entreprise de paix alors que la situation est devenue très incertaine depuis dimanche dernier. Oslo, Grégory Tervel pour France Inter. Le président colombien s'est dit bouleversé et reconnaissant, et sans doute grande déception des casques blancs d'Alep, ces Syriens civils qui sauvent des vies au péril de la leur. Ils étaient donnés parmi les favoris de ce prix Nobel de la paix 2016. Nous reviendrons bien entendu dans le journal de 13h sur ce prix attribué au président colombien Santos. Haïti, une nouvelle fois dévastée par un cataclysme, l'ouragan Matthew, avec ses vents soufflant à 230 km/h, a ravagé le pays. Au fur et à mesure que les sauveteurs parviennent dans les villages isolés, le bilan s'alourdit, 339 morts, 350 000 sinistrés, 80% des habitations endommagées dans le sud-ouest et des écoles, des champs, des entreprises, des routes complètement détruites. Matthew arrive maintenant sur la côte est de la Floride, moins puissant mais encore très dangereux. Plus de 2,5 millions d'habitants ont été priés d'évacuer les côtes. Jean-Claude Juncker met en garde les États membres qui ne respecteraient pas le plan de répartition européen des migrants. Pour le président de la Commission européenne, ce serait le début de la fin pour l'Union européenne si à chaque fois qu'un État membre n'est pas d'accord avec une décision, il organise un référendum. Journée du souvenir, hier à Bayeux, où se tient depuis le début de la semaine le prix Bayeux-Calvados du correspondant de guerre. Une stèle portant les noms des journalistes tués en 2015 a été dévoilée au mémorial des reporters. Et à l'occasion de cette 23e édition du prix des correspondants de guerre, le journal de 13h se fera en direct de Bayeux, avec pour invité notamment Édouard Elias, photographe et ex-otage. Lancement de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. Et alors que se termine la grande consultation voulue par Marisol Touraine sur la vaccination, on attend un rapport pour novembre, les pharmaciens montent au créneau. Ils proposent une expérimentation sur 3 ans qui rendrait possible de se faire vacciner contre la grippe par son pharmacien en officine. Avantage, c'est près de chez soi, sans rendez-vous, ça permettrait de toucher un public qui ne se vaccine jamais et ça se fait déjà chez la plupart de nos voisins européens. Alors pourquoi pas nous, s'interroge l'Ordre des pharmaciens. Sa représentante Karen Wolf est au micro de Véronique Julia. Le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, partout où les pharmaciens ont vacciné, la couverture vaccinale s'est largement améliorée. Et surtout, on a atteint des populations qui n'étaient pas vaccinées auparavant. Et c'est là l'intérêt aussi, c'est que le pharmacien vaccine en plus des autres professionnels de santé, notamment des médecins, infirmières et sages-femmes. Il faut reconnaître que la proximité des pharmacies, la facilité d'accès partout en France, le contrôle de la chaîne du froid, etc., tout ça sont des facteurs qui seraient dommage de se priver pour atteindre une certaine population. On propose d'expérimenter sur 3 ans et uniquement sur la grippe et uniquement sur les adultes. C'est vrai que dans d'autres pays européens, les pharmaciens vaccinent aussi pour d'autres pathologies. Au Portugal, on fait la grippe, le pneumocoque, le papillomavirus, l'hépatite B. On n'en est pas là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous commencé par la grippe. Et nous reviendrons dans le journal de 13h sur ces soupçons de dopage dans le monde du rugby révélés par le quotidien L'Équipe. Le Racing 92 est visé. Les joueurs Dan Carter, Joe Rokosoko et Juan Imhoff auraient pris des corticoïdes avant la finale du dernier championnat de France. Selon le club, rien d'illégal. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h, la récréation. Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Longtemps, Madeleine Perroux a chanté dans les rues de Paris. 20 ans après son premier disque, la chanteuse de jazz américaine vient d'enregistrer un nouvel opus dans une église anglaise. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à condition à consulter sur le site Visal.fr. Midi 6 sur France Inter, le journal de 13h, ce sera avec Alain Passerelle en direct de Bayeux et tout de suite la bande originale avec Nagui, deuxième partie. Merci Dominique Delarroix, on vous retrouve tout à l'heure pour nous informer toute l'après-midi et à 13h, ce sera le journal d'Inter. Daniel Morin, Richard Lornac, et notre invité François Morel. C'est génial. Ce matin, je l'écoutais, puis là, il est là en face. C'est magique. Et il est là, et il chante. Nous étions presque 1 milliard. Selon les organisateurs, à convoiter son regard. Selon la police, 2 ou 3 ringards militantes très engagées. Selon les organisateurs. Elle tue voyait José Bové. Selon la police, fallait la surveiller. Dès qu'il y avait défilé, selon les organisateurs, je marchais pour l'accompagner. Selon la police, pour la dragouiller entre nation et république. Selon les organisateurs, j'acquis un grand sens politique. Selon la police, dans le genre lubrique. Un jour je l'ai abordé pour lui dire que je l'aimais. Je lui ai fait tout de go, camarade, j'étais dans la peau. Merci beaucoup, qu'elle a dit, selon les organisateurs. Mais mon cœur est déjà pris, selon la police. Il s'appelle Jean-Mi, ce n'est pas qu'il soit très beau, selon les organisateurs. C'est une feignasse, un escroc, selon la police. Il boit pas que de l'eau. Même qu'il est CRS, il vote pour Valérie Pécresse. Mais je l'aime, que voulez-vous, c'est mon lapin, mon roudoudou. C'est ainsi que moins souvent, selon les organisateurs, on me vit manifestant. Selon la police, je rentrais dans le rang. Si elle avait voulu mon cœur, j'aurais pu devenir un leader. À l'heure qu'il est vous connaissant, vous m'auriez élu président. Après des réformes sévères, selon les organisateurs, j'aurais déçu la France entière, selon la police, et jusqu'à ma mère. Ça tient par moment, selon les organisateurs, le destin d'un militant, selon la police. C'est assez navrant. On voit bien qu'il y a toujours, évidemment, ces histoires, ce sourire, cette vanne, mais la toile de fond, qui, voilà, c'est plus fort que vous. Il faut qu'il y ait des messages qui passent, en tout cas. Oh, il faut qu'une chose... Oui, là, bah, elle est assez légère quand même. Non, mais c'est, d'accord, ouais, mais ouais. Il faut que ça serve aussi à quelque chose. Ça raconte quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais, faut raconter une histoire, quoi. Non, mais ça. Mais on... J'ai eu du mal à l'écrire, celle-là, parce que je la faisais trop compliquée. Alors, ça, là, par exemple. Ça marche bien, ça marche extrêmement bien, l'idée de selon les organisateurs, selon la police. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça, dans la vie, il y a, ça part y a toujours juste les, de deux, cette idée-là. Les deux points de vue. Voilà. C'est ça. Et j'avais fait un truc, c'était un peu trop compliqué. Et Juliette m'a dit, il faut que tu simplifies, parce qu'on comprend rien. Il y a trop d'histoires là-dedans. Il faut qu'il n'y ait qu'une histoire, celle de l'amour, point. Et donc, voilà. C'est, donc, j'écoute ce que me dit mon metteur. Il y a l'histoire de l'amour, mais il y a toujours une toile de fond. Qu'elle soit politique, il y a José Bové, sociale, Valérie Pécresse, tout ça. Ouais. Et un peu Sarko. Casse-toi, pauvre con. Ça vous gratouille, ça vous chatouille. Vous serez en tournée. Alors, il y a le retour de Hyacinthe, donc on l'a dit, pour la fin de l'année, jusqu'en mars. Et puis, parallèlement à ça, vous êtes en tournée avec ce spectacle pour chanter. Il y a des dates de concert, comme vous irez du côté de chez vous, à Caen. Début janvier, oui. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y aura Argentan, Le Mans. Enfin, on va mettre toutes les dates sur le site, La Rochelle, Tarbes, Narbonne, vous descendez un peu au soleil, pas bête, c'est le printemps là, c'est au mois d'avril. Et puis il y a un retour le 30 et 31 mai à La Cigale à Paris. Ah ouais, ça c'est chouette. Autour des élections présidentielles. Oui. Vous allez être aussi sollicité, vous allez avoir envie de... Je suis pas très chansonnier quand même, donc ça va pas se transformer complètement mon spectacle. Je parle vraiment de l'actualité dans les chroniques. Je parle pas du spectacle, la manière dont lui va être influencé. J'ai pas regardé si les vendredis je suis à Paris ou pas. Faut que je regarde ça de près. Alors j'ai que les dates, j'ai pas les jours de la semaine. Mais ma question c'est cette année présidentielle, elle va être quand même particulière. J'ai presque envie de dire malheureusement, vous allez être forcément sollicité par des interviews et puis ici par Inter aussi pour avoir ces billets. Pas plus que ça, non. Vous dites pas que c'est une année particulière pour vous. Bon, elles sont toutes particulières. La 2015 était particulière, par exemple. L'année prochaine, elle sera d'une autre manière, mais. Ouais. Je suis pas un grand penseur politique, hein, donc je vais faire mes chroniques. Je vais voir aussi, c'est une question d'équilibre aussi, selon ce que racontent les autres. Peut-être que j'aurais envie de parler complètement d'autre chose. Puis on a d'excellents penseurs politiques. Oui. Ici. Ouais, ça va. La preuve, on a Daniel Morin et son humeur tout de suite. Voilà. Quand on reconnaît la qualité, tout de suite, ça va mieux. Tiens, j'en profite pour dire qu'on n'a pas annoncé les spectacles de Guillermo qui se produit. Mais tu m'avais dit que tu m'as annoncé. Oui, moi je suis gêné, moi, de faire ce genre de choses. C'est pour ça, il faut le dire, c'est au petit point virgule, ça. Une fois par semaine. Absolument. Le mercredi à 21h15. Voilà, c'est fait, passons à autre chose. Merci, c'est gentil. Surtout, on va y aller. C'était la moindre des choses. Non, n'exagérez pas non plus, Nagui. On va y aller, non. Je vais y aller, alors. Surtout que la tension est à son comble en ce moment, mon bon Nagui, entre la Russie et les États-Unis. Les Russes bombardent la Syrie comme des forcenés. Les Américains disent stop. Mais Poutine, il s'en fout. À Moscou, récemment, deux diplomates ont été drogués au bar de leur hôtel. Les Américains se plaignent de plusieurs cyberattaques de la part des Russes. Bref, comme on dit en langage diplomatique, ça chivelue. Alors, pour comprendre les enjeux de cette crise, je vais demander son avis à mon ami, expert géopolitique, stratège militaire, le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour, vous allez bien ? Affirmatif. Maréchal, avez-vous une analyse du conflit diplomatique entre Washington et Moscou ? Affirmatif. On peut la connaître ? Affirmatif, si vous voulez. Bon ben allez-y. D'accord, mon analyse est aussi simple que précise et sans appel. Les Russes, ils en ont dans le froc. Et les Américains, c'est juste des petites tapettes. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Non, ça arrête là. Mais la guerre, c'est moche, Maréchal. Négatif. La guerre, c'est pas moche, c'est horrible. Mais ça fait tourner les usines, ça crée de l'emploi, et en période de crise comme aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Vous êtes aussi spécialiste économique, Maréchal. Non, vous en déplaise, oui. Et pas que. Je suis spécialiste un peu de tout. Ne confondez pas avec un chauve. C'est pour ça qu'on m'a fait signer un CDI, parce que je peux tout faire. J'ai moins d'ancienneté, évidemment, que notre invité, François Morel, le troubadour fantaisiste de gauche qui est payé des fortunes pour faire le ménestrel à 8h55 chez l'autre bolchevique millionnaire, et chez Cohen. Mais je suis en CDI quand même, un CDI signé dans le bureau du président Mathieu Gallette. On dit pas... Ah, commencez pas à me faire chier avec vos barbarismes. En français, on prononce toutes les lettres. Je sais ce que je dis, et c'est pas à vous, morin, chroniqueur incul, ni Nagui, le tirailleur égyptien analphabète, qui allait me contrarier. Dites Najoui, alors, si vous pensez tout Nagui. Je ne veux pas vous contrarier, encore moins vous énerver. On va changer de sujet, hein, parce que je vous sens entendu. Est-ce que vous avez été choqué par l'agression dont a été victime Kim Kardashian? Ah, enfin, un sujet intéressant. Je n'ai pas été choqué, moi. J'ai été anéanti par le drame qu'a subi cette femme, Kim Kardashian, une femme remarquable. Mais en quoi la trouvez-vous remarquable, Maréchal ? Mais vous savez, Morin, dans ma vie de bidasse, j'en ai vu des fions. Mais des comme ça, jamais. Vous entendez ? Jamais. C'est bien ça. Elle a un fion de rêve, cette femme. Elle mérite le prix Nobel du cul. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Ceux qui ont agressé cette femme mériteraient la peine de mort. Le peloton d'exécution, avec avant un petit peu de gégène pour leur apprendre à respecter une femme qui donne aux hommes qui ont perdu la foi la vision idéale du Saint-Fion rédempteur. Oh, dommage que le père Albert ne soit pas là, il aurait adoré vos paroles. Alors, c'est pas plus mal qu'il soit pas là, ce vieux dégueulasse pervers décadent. Il est sûrement en train de se tripoter en regardant des vidéos de Jean-Marc Morandini. Il ferait mieux de lire l'excellent livre d'Albert Algou, Le dictionnaire amoureux de Tintin, un ouvrage remarquable. J'entendais parler. Merci Maréchal pour votre éclairage sur le monde et votre vision militaire des événements qui nous touchent au plus près. Enfin, attendez, au fait, tout à l'heure quand je parlais de François Morel, j'étais un peu brusque. Mais figurez-vous que c'est l'émotion qui m'a trahi. Pourquoi ça ? Au risque que cela vous semble étrange, physiquement François Morel me rappelle énormément mon épouse. La maréchale. Ah oui, regardez-le. Edmond, une femme remarquable, partie trop vite, emportée par la gangrène. La gangrène, mais je ne savais pas ça. Oui, ça a commencé. J'en chiale quand j'y repense. Comme un panari, puis les orteils sont tombés les uns après les autres. Vous n'avez pas fait de soigner ? Edmond détestait les médecins. Alors c'est moi qui soignais son mal. Pour ralentir la putréfaction de ses chairs, je lui passais les pieds à la râpe à fromage. Oh, non. Elle poussait des cris de babouin, c'était atroce. Et quand je cautérisais, c'était pire. Elle supportait de plus en plus mal quand je lui aspergeais les pieds avec de l'essence et que je foutais le feu. Quel calvaire, pauvre femme. Un après-midi, elle faisait la sieste après que je l'ai amputée de sa dernière cuisse. Et dans la chambre, ça sentait la pourriture. Un mélange d'odeur, un remugle de fromage rance et d'œufs avariés. Oh non. D'un seul coup, elle s'est mise à hurler. J'arrivais 4 à 4 à son chevet. C'était l'enfer. La gangrène s'était propagée un peu partout. Elle avait perdu un œil et ses oreilles. Je lui ai pris la main, qui aussitôt s'est détachée. Victime d'un courant d'air, elle s'est mise à éternuer, provoquant l'arrachage de son nez, qui, telle une fusée, traversa la chambre pour aller s'écraser contre la porte. Elle était en train de mourir. Je perdais mon Edmonde. Mon Dieu. Et qu'avez-vous fait pour l'accompagner dans son dernier voyage ? J'ai fait tout ce qu'un bon mari se doit de faire. J'ai retiré mes vêtements et je lui ai fait l'amour une dernière fois. Je lui ai fait l'amour comme un légionnaire, en chantant. Je me revois encore besognant Edmonde de façon cadencée. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour la base, j'en ai plus. Pour la Puis, son bassin a craqué et elle est morte sous moi. C'est beau, maréchal. Eh bien, François Morel me rappelle Edmonde sur son lit. Je suis sûr que François sera très touché par la comparaison. Merci infiniment, maréchal. Attendez, oui. Vous croyez que si je lui demande gentiment, François Morel accepterait de coucher avec moi? Oui. Ça me paraît assez évident, oui. Enfin, vous lui demandez quand même à la fin de l'émission. D'accord. Bon week-end à tous. Merci. François Morel est notre invité, il publie son nouveau disque et il est en spectacle avec La Vie, titre il est tout excité. Et nous allons appeler la sécurité. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi pour François Morel. François, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et je vous propose de commencer par un son. On n'apprend pas, ou on sait ou on ne sait pas. On saura la jouer ou on ne saura jamais la jouer. Waouh. Vous avez reconnu cette voix? Non. C'est la voix de Michel Bouquet. Michel Bouquet. C'est la voix de Michel Bouquet. Il nous manque. Et vous avez croisé Michel Bouquet? Vous avez croisé Michel Il était assez berto, oui. Quand j'ai passé le conservatoire, ouais. Mais il m'a acheté. Il n'a pas eu envie de moi au conservatoire. Parce que je faisais quoi en attendant Godot, ouais. On a eu une mise en scène qui était toute petite, avec l'arbre était représenté par un bonsaï, et ça lui avait pas plu, ça. Et donc, il m'avait jeté, c'est Henri Virelogeux qui m'avait consolé dans les toilettes du conservatoire en disant vous inquiétez pas, il y avait rien eu de sexuel avec Henri Virelogeux. Non, on pensait pas à ça. Il m'avait juste dit, j'étais instituteur jusqu'à 30 ans, j'ai commencé plus tard, et finalement, je me suis débrouillé, vous vous débrouillez. Vous-même. Et vous l'avez croisé plus tard, Michel Bouquet ? Oui, oui, oui. Alors comment ça se passe dans ces cas-là ? Oh, très bien, ça va. Il se souvient vous avoir... Pas du tout. Ah non, et c'est pas quelque chose que vous auriez envie de dire ? En fait, non, parce que quand je l'ai vu, j'ai pu repenser à cette histoire-là. Il n'est pas rancunier, il l'a dit tout à l'heure. C'est le lendemain, je me suis dit, tiens, j'aurais dû lui mettre un pain, puis je ne l'ai pas fait. Non, mais pas du tout. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. En tout cas, une vanne. À propos, vous m'aviez refusé au conservatoire. Ah ouais, mais j'ai pas pensé. Ça ferait sourire, je suis sûr. Ouais, non, mais sans être rancunier, juste de lui rappeler que... L'anecdote, voilà. L'anecdote. On poursuit avec un autre son pour vous. Nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande... Si déjà, nous ne sommes pas un peu arabes. C'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand, pardon, à la Sorbonne en 87. Et par les temps qui courent, c'est pas mal d'entendre c'est pas ça. Hein. Ouais, je suis même étonné de toi, moi, qu'on ne l'ait pas plus entendu ou vu ailleurs. Bravo, Leïla, de le ressortir, parce que c'était. On a beaucoup parlé de nos ancêtres des Gaulois. Et cette, C'est le titre d'un bouquin de François Reinhardt qui est formidable, d'ailleurs, là-dessus. Absolument. Ouais. Absolument. Mais ce discours est malin. Voilà. Cela dit, Stéphane Le Foll a fait une déclaration là, qui était pas mal du tout. Je sais pas si vous l'avez entendu. Pourquoi ? À savoir ? Ah ben justement, il développe ça et il parle de tous les peuples qui ont formé la France et il le fait avec une culture énorme. Franchement, ça vaut le coup de l'écouter. Et Najat Kassem a évoqué ça. Oui. Parce que Nicolas Sarkozy avait ajouté après nos ancêtres les Gaulois et les tirailleurs sénégalais parce qu'il y avait le week-end d'hommage à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la France et qui ont été tardivement ou pas du tout reconnus. En tout cas, je voulais vous faire entendre François Mitterrand pour ses propos et aussi pour moi et François Mitterrand d'Hervé Le Tellier, mise en scène de Benjamin Guillard avec Olivier Broche qui sera au Théâtre du Rond-Point du 14 octobre au 20 novembre, et c'est un spectacle qui vous concerne de très près, François Morel. Mais en fait, il me l'avait proposé au départ, je crois, par Facebook, Hervé. Et il m'avait envoyé 3 pages. Et je lui ai dit, c'est très drôle, mais il faut continuer, il faut en faire un spectacle. Et c'est ce qu'il a fait. Au début, sans moi, parce que moi, j'avais pas le temps de le faire. Et je lui ai dit, tu devrais te rapprocher d'Olivier Broche, qui va être formidable. Et le truc, c'est formidable, le pitch. C'est un type qui, en 82, envoie une carte postale au président Mitterrand pour lui dire que, bon, pour le féliciter pour son élection. Et pour lui dire que les huîtres sont un peu grasses du côté d'Arcachon. Et quelques mois plus tard, il reçoit un courrier de la présidence pour dire qu'il remercie de son courrier et il prend note des remarques qu'on lui fait. Donc à partir de ça, ce personnage-là va penser qu'il y a une véritable amitié qui se noue entre lui et François Mitterrand. Donc il lui renvoie un courrier. La présidence de la République lui renvoie exactement le même courrier, évidemment, etc. Il y a un truc qui est formidable, c'est que les années passent, à un moment donné, il dit, bon, Chirac vient d'être élu, et il lui envoie quand même un courrier de félicitations. Il reçoit exactement la même lettre. Il la lit avec beaucoup de distance et il dit, décidément, n'est pas François Mitterrand qui veut. Mais voilà, ça sera au rond-point. Il faut juste préciser qu'Hervé Le Tellier est mathématicien et qu'il, de formation, et qu'il est membre de l'Oulipo, littérature potentielle. Et vous êtes coproducteur du spectacle. Oui. Et voilà, donc c'est encore une autre occasion de voir l'univers, finalement, de François Morel. J'avais d'autres sons, mais peut-être que plus rapidement, je vais faire mon petit cadeau à François. Juste pour pas vous laisser repartir les mains vides, c'est le petit troquet des Brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, qui forcément, dans ma tête, a fait écho à votre présence dans le film de Jean-Michel Ribes, et à toute cette succession d'acteurs. Et là, voilà, vous avez une possibilité d'entrer au troquet, de vous enivrer avec des mots. Et il vient d'écrire un bouquin aussi sur une vache, là. Vous l'avez lu, ça ? Non, pas celui-là. Je ne sais pas si c'est sorti chez Julliard ou si ça va sortir bientôt, mais alors c'est hilarant. On me voit en ce moment dans le RER en train d'éclater de rire en lisant du Gouriot. Franchement, lisez ça, l'interview d'une vache, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très très drôle. Et là, c'est chez Point, et comme ça, ça vous fera le trajet. Retour. Retour. J'ai quelque chose pour vous. Écoutez. Leïla, t'aimes ça? Moi j'adore. T'as reconnu, c'est qui? Bruno Mars, non? Ah ouais, bien. Il y avait ça aussi de Bruno Mars, écoutez. Tout ça pour vous dire que nous avons le plaisir de vous faire écouter le nouveau Bruno Mars. Voilà, c'est le petit cadeau. C'est chic, ça. Petit cadeau, voilà, c'est dans la bande originale. Ça peut être même la bande originale de votre semaine ou de votre mois, parce que rarement quand Bruno Mars sort un titre, on n'entend qu'une fois. Ça s'appelle 24K Magic. Enfin bref, c'est le nouveau Bruno Mars sur Inter. C'est surtout hyper rare qu'on vous fasse confiance. Money. with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Voilà, c'était le dernier, ou du moins le nouveau Bruno Mars, offert sur la bande originale. T'avais de la chance, sur, c'est, là, ouais, c'est trop la classe. Ouais. François Morel est notre invité, mais voici le moment des excuses. Oui, évidemment, désolé pour le père Albert dont la chronique a été souillée par nos deux salafistes de service, Leïla Kader Boudadi et Monsieur Guy. Ils l'emporteront pas au paradis, mon père, je vous le jure. Oui. Désolé pour les habitants de Vesoul qui, suite à ma remarquable, délicate sortie. Chronique à la fois, sur la tristesse de leur ville, ont décidé de déménager. Allez, je suis sympa, je vous conseille une destination un peu plus guillerette. Essayez outre. Désolé pour nos auditeurs de moins de 74 ans. Ils sont peu, je le sais, mais quand même, il faut pas les mépriser. Les auditeurs qui ne connaissaient aucun des noms cités ce matin. Mais c'est vrai qu'entre Maurice Chevalier, Serge Radjani et Nagui, les jeunes n'étaient pas à la fête. Merci beaucoup François Morel d'avoir trouvé le temps de venir nous présenter ce nouvel album qui s'appelle La Vie, titre provisoire, mélange de toutes les émotions, qu'elles soient dans le rire, le sourire ou la tristesse. Et bravo pour ce matin encore. Hein. Il est encore en train de lire Jean-Marie Gouriot et de se marrer déjà d'entrée. Le minimum pour avoir le droit de vote, c'est de manger du cochon. D'accord. Nous restons sur cette pensée. On se retrouve lundi avec Jérôme Salle et Lambert Wilson pour parler du commandant Cousteau avec le film L'Odyssée. Et tout de suite, c'est Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonne journée. Bon week-end. Le 13 octobre, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'éclatant Sergueï Kachatryan interprète le concerto pour violon de Sibelius, un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Le 13 octobre à 20h, avec l'Orchestre National de France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Un Sibelius lumineux. Réservation, maisondelaradio.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le Festival Lumière 2016. Un festival de cinéma pour tous du 8 au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon, présentées par de nombreuses personnalités. Le Festival Lumière à Lyon, à retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, avec l'UFC Que Choisir, le mouvement de consommateurs de référence. Retrouvez et rejoignez l'association locale la plus proche sur quechoisir.org. Carnet de campagne, bonjour. Dernier jour dans le Doubs avant de visiter le Jura voisin la semaine prochaine. Dimanche 9 octobre sera journée mondiale du handicap. Premier handicap, justement, trouver les informations liées à cet événement. J'avoue que c'est pas facile, peut-être sont-elles trop nombreuses à diffuser. Il y en est pourtant une à l'échelle mondiale qui est primordiale, le projet d'une convention pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes.